Une soirée de poésie signée Jérémy Francaire. Sans lutrin, sans histoire et sans bienséance. Gargarisé, simplement pour le plaisir contagieux de la langue. 16 ans et plus. Au cœur du Vieux-Québec, la Maison de la littérature, votre maison pour écrire, lire, vivre. When we get married. Bonsoir et bienvenue à Terrain Incognita, votre émission hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, pas mal de nouveautés à l'horizon, donc installez-vous. J'ai pris l'habitude d'être confortablement et pourquoi pas, et quand on écoute de la bonne musique, c'est probablement la situation la plus idéale, confortablement. Comme je vous disais, pas mal de nouveautés. On reçoit aussi quelqu'un qui va nous parler d'un documentaire qui est en train de se monter sur le groupe québécois Morse Code. Et beaucoup de musique. On va commencer ce soir avec Eden Song, qui vient de lancer cette semaine son nouveau clip, vidéoclip. Ça fait drôle de dire ça, parce que c'est rare que ça arrive dans le prog, mais nouveau vidéoclip officiel de la pièce In the Longest of Days. C'est Eden Song de New York, qui, vous le savez maintenant, va être avec nous samedi le 20 mai. Au Centre d'art de la Chapelle, dans le cadre de la convention et ou du festival Terra Incognita, comme vous voulez. Et il y a eu un petit ajout pour ceux qui n'écoutent pas trop souvent. Il y a, le vendredi, on a ajouté Yes Songs, groupe hommage à Yes, un groupe qui se concentre sur la période Yes Album, Fragile et Close to the Edge. Donc, les classiques, c'est le vendredi 19 mai au Centre d'art de la Chapelle, ça aussi. Et le 20, ben, on a aussi Universe Effect de Québec. Et puis, Eden Song et Glasshammer 21 et le Paradiso d'Egli Orki, Comedy of Error qui nous vient d'Écosse, et on termine en beauté avec Hudson Hutton, un des rares concerts de Hudson Hutton cette année, et c'est nous qui avons le plaisir de les recevoir. Sans plus tarder, on commence en musique avec Eden Song de l'album Years in the Garden of Years. As we first dance upon the earth, our tomorrow's unseen. Awake by the dawn's glow, unharmed by the places we've been. And we let our roots dig deep, sit and watch the skies. The cold northern wind brings late morning rain. The darkened clouds roll in, and yet we all remain. Turn our backs to the nearing moon. Try to run and grab on tight. That will claim us soon before the end of night. Turn our backs to the nearing moon in the evening of our lives. The longest day is gone too soon before the morning sunrise. I saw an old man headed west, so and slow. He said, "Son, for a young heart, I'd soon part with all that I know." A boy past the running east, seeking knowledge and truth, but his smile was taken, a child mistaken, forsaken so quickly, unthinking his one gift of youth, one gift of youth. Je parlais tantôt qu'on avait un invité, c'est M. Gaston Nadeau qui travaille présentement sur un documentaire portant sur le groupe Morse Code ou Morse Code Transmission à ses débuts, un groupe de Québec et puis un des meilleurs groupes prog de Québec avec Slush et puis, bon, on va s'arrêter là, la liste n'était pas si longue non plus, mais je suis curieux, que, d'où ça sort cette idée-là, c'est quoi l'étincelle qui a fait naître cette idée-là de faire un documentaire sur Morse Code? Ben, l'étincelle était là depuis un bout de temps, puis c'était un projet de retraite que je me gardais, et pour ma retraite, sauf qu'avec le décès de Christian Simard en décembre, ben là, ça a ramené les pendules à maintenant, il faut que ça se fasse là pour être capable de ramasser le maximum d'informations. Oui, effectivement, là, c'est vrai. parce que plus le temps passe, plus que c'est compliqué de retrouver des gens. Puis de... Effectivement, là, tu en es rendu où exactement? Présentement, j'ai présenté le projet aux membres, je te dirais, fondateurs, Michel Vallée, qui a en tout cas accepté d'emblée d'embarquer dans le projet. Puis jusqu'à date, j'ai 4 personnes qui ont été interviewées, dont Michel Vallée, Daniel Lemay, Bernard Tapin, puis Gilles Simard. D'accord. Là, j'ai une première série de fêtes, puis à la fin du printemps, je devrais être capable de passer là, les 6 autres personnes là, qui ont joué dans Moscow, dans le fond, c'est ça? Mm-hmm, absolument. OK. D'aller chercher des témoignages de tout le monde qui reste. Mm-hmm. Puis après, je veux dire, est-ce que tu penses que le fait de ramasser des témoignages à gauche et à droite de même, de parler à tous ces gens-là, est-ce que ça peut aboutir, entre guillemets, comme une espèce de réunion ou un concert souvenir ou un... Là, c'est sûr, peut-être que tu es mal placé pour en parler. Pas tellement, parce que c'est justement à faire les entrevues, les gens sont tombés très à l'aise avec ce que je faisais, puis les confidences sont arrivées facilement. Puis une de ces confidences-là, c'est ça, c'est que Michel Vallée, entre autres, avait toujours le désir de refaire quelque chose, puis lui aussi, avec le décès de Christian, ça l'a poussé à réactiver le dossier, puis... Présentement, ils sont en train de... Le noyau principal, là, Michel Vallée, Daniel Lemay, puis Gilles Simard, ont recruté Jean Ravel, qui ferait les voix. Ah ben oui, puis il y a un autre claviériste aussi, là, avec lequel ils travaillent présentement. Puis les gars, là, comme ils disaient, ils ont le poil sur les bras, là, avec les résultats qu'ils ont présentement. Ah, bon, ouais. Écoute, ça, c'est super intéressant, ça. Ah mm-hmm. Oui, écoute... moi, j'allais à la pêche un peu, je t'avoue, là. Mm-hmm. Parce que, tu sais, quand tu brasses des émotions puis des souvenirs, forcément, à un moment donné, ça peut... Surtout qu'avec un décès, ça te ramène à la réalité, qu'à un moment donné, on sera plus capable de le faire. Mm-hmm. Absolument. Et puis, je suis content de voir que ça va aboutir, ça, franchement. Là, bonne nouvelle. Mm. Excuse l'anglicisme, dans ton planning, après avoir interviewé tout le monde, est-ce que tu vas te mettre à la recherche, d'images d'archives? Il y a probablement des gars qui ont des bouts de film 16 mm ou 8 mm. J'imagine que tu vas fouiller dans ça un peu, là, les archives d'un et l'autre. Là. Le fait que tu me permettes d'être en entrevue avec toi, c'est une belle entrée pour moi, pour demander aux gens justement de ceux qui ont des documents d'archives, photos, vidéos, entrevues, s'il vous plaît, me les faire suivre, parce que il y a des choses que j'ai présentement, des membres du groupe entre autres, puis c'est des affaires qui ont été retapées, là. C'était du VHS à telle affaire. Ouais. C'était discuté. Puis c'est vraiment une question d'avoir le maximum de ces artefacts-là pour que je puisse travailler pour ressortir la crème de tout ça. On va se garder un peu d'infos. C'est qu'on y va en musique avec Morse Code. de retour avec Gaston Nadeau, comme je vous disais tantôt, qui prépare un documentaire sur le groupe Morse Code. Un groupe bien de chez nous, pour vrai, là, de Québec, Québec. Tu nous disais tantôt que c'était important pour toi de retrouver le plus de documents d'archives possible. Donc, on lance un appel. Si jamais les gens qui nous écoutent ont des articles de journaux, ça peut être... écoutez, à l'époque, il y avait Pop Rock qui couvrait pas mal. Ça serait peut-être une source pour toi. Tu devrais peut-être contacter le... GeoGigal. Oui, ben oui. Absolument, c'est déjà fait. C'est déjà fait? Bon, oui. OK. Je sais qu'il y en a eu dans Le Soleil, parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais ça fait belle lurette. En tout cas, n'importe quoi, dans le fond. Là, tout ce qui est... des tout souvenirs de cette époque est le bienvenu. Vous pouvez nous contacter ou, je sais pas, si tu as peut-être une adresse courriel que tu pourrais donner là, pour que les gens puissent te contacter. Bon, c'est le plus facile, c'est par la page Facebook. Là, vous avez juste à chercher sur les traces de Morse Code, puis vous allez tomber dessus, c'est certain. Là. Parfait. Donc, avis de recherche. On recherche des archives, tout ce qui porte sur Morse Code. Et puis, ben là, la question que probablement que tu n'as pas de réponse, c'est quand penses-tu pouvoir livrer le documentaire? Oh, très bonne question. Ouais, je m'en doute un peu. Je te dirais, pour donner une idée, probablement dans un an et demi, pour être certain de ne pas faire ça sur le coin de la table non plus. Non, non, mais quelque chose qui soit... On le fait une fois. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Non, je te comprends très bien. Ça ne sert à rien de précipiter les choses si, après ça, tu dis, ah merde, ah oui, j'aurais pu faire ça comme ça et comme ça. Non. Mm-hmm. Et puis, en termes de diffusion, qu'est-ce que tu envisages? Je sais que c'est un peu tôt, là, mais est-ce que tu envisages quelque chose... Bon, on ne peut pas penser que les cinémas vont s'emparer d'un documentaire. La télévision, ça va être un peu... ardu, j'imagine. Sûrement pas à TVA, en tout cas. Mm-hmm. Ouais. Une sortie DVD, peut-être? Ou... Peut-être. Là, au départ, c'était vraiment pour faire un document là, qui décrive un peu l'urgence d'agir, de dire, ben, regardez, là, c'est des trésors, ces groupes-là. Là. Il y a Morse Code, mais il y en a d'autres aussi. Mais leur histoire est vraiment un trésor national. Puis c'est important de tabler là-dessus. Moi, mon but, c'était vraiment de produire le document. Puis au départ, c'était ça. Maintenant, en tout cas, là, j'ai une espèce de mini-campagne de socio-financement. Puis là-dessus, il y a une passe qui est intéressante parce que ceux qui contribuent là, à un certain montant, ben je veux les réunir. Il y aurait peut-être une centaine de personnes qu'on pourrait réunir ensemble puis faire une avant-première du documentaire. Ça serait vraiment le fun parce que ça serait tous des maniaques de... Ouais, effectivement. Ça ferait un super de beau party, là. Mais c'est là que tu soulèves un point qui est vraiment intéressant, puis c'est vrai, c'est que le prog québécois, tu dois le savoir, tu cherches une date de parution, c'est bonne chance, les compagnies ont toutes disparu, ou en tout cas, ils savent même plus où sont rendus les enregistrements souvent. C'est en train, le temps passe, mais on est en train de perdre un pan de l'histoire de la musique québécoise. Et bon, enfin, ben, coup de félicitations parce que c'est une belle initiative. Ça en prend du monde qui essaye de raviver la mémoire puis de au moins de maintenir les choses là, dans un état qu'on veut dire que ça soit accessible comme information. C'est bête parce que je vais te dire souvent, moi j'ai beaucoup de contacts avec l'étranger par le festival, le Terra Incognita, puis c'est surprenant des fois. Écoute, des fois, je jase avec des jeunes suédois qui ont 24-25 ans, puis ils connaissent Harmonium, peut-être ils connaissent Morse Code, ils connaissent Slush, puis parfois mieux que certaines personnes ici à Québec. Là, absolument. Moi aussi, j'ai vu des trucs dans Prog Archive, entre autres, puis ils font des cotations, entre autres, La Marche des Hommes, puis Procréation. Eux autres considèrent ça comme des chefs-d'œuvre, puis ils sont en pamoison. Là, ils disent, mais comment ça que ça n'a pas été diffusé? Puis nous autres, il n'y a personne qui connaît ça. Enfin, bon, on fera pas le procès. Ben écoute, merci beaucoup d'être venu. Et puis, on va vous tenir au courant, évidemment, là, quand ça va évoluer. Là. C'est sûr que le coup de sonde, ben, je veux dire, l'approche était pour aller chercher du matériel pour enrichir, en fait, le documentaire. Et puis, ben, tant mieux si tu réussis à parvenir à ramasser quelques pièces du casse-tête encore. Bonne chance. Et puis, ben une autre, ben, on va vous tenir au courant au fil de l'évolution. Merci beaucoup, Michel. Ben, c'est moi qui te remercie. Bonne fin de soirée. Et puis, nous, on continue en musique avec, cette fois-ci, on va aller faire un tour du côté du Mexique avec Cast. Ça doit être son 150e disque, je pense, ça va loin. Power and Outcome. Ben, je dis pas ça parce que c'est pas bon, là. Je fais juste une farce parce qu'il y a tellement de disques de Cast, là, à un moment donné, que je pense que faire de la discographie, ça prendrait 10 pages. Et ils sont très productifs, les gars. Donc, une pièce du nouveau Cast, Power and, the, and Outcome. Vas-y, Bruno. It is us, the ones, we who are asking to. It is us, the ones, who should be counted. It is us, the ones, should be valued. It is us, the ones, and we repeat it. The rights we have to defend them, and values are not missing in us. There are so many opinions. The uncertainties are blooming. Certainties are blooming. Power and outcome, extremes are calculated. The power and outcome, no vice is so fermented. It is just the ones who have the knowledge. It is just the ones who are defending. It's us, the ones who represent so. It is us, the ones, and we repeat it. The heights are splitting up from us. The ones who have, the ones who grab, haven't the knowledge to. Control, we've lost it all. Look at

Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Quand j'ai eu à vider son appartement, j'ai trouvé des bobines de films. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Je voulais absolument voir ce qu'il y avait là-dessus, évidemment. Je me suis mis à fantasmer avec l'idée de pouvoir revoir tout ça. Rien ne se perd et tout se transforme selon Millimétrique. Je suis parti de sons de Fog Dreams, mon plus récent, pour refaire des nouveaux morceaux, des sons que j'avais aimés, que j'avais mis dans un dossier, que j'avais pas utilisé. Tout le talent d'ici, une seule adresse. Donc, Millimétrique, je trouve que ça représentait bien ça. Lafabriqueculturelle.tv. Un 5 à 7 à la Ninkasi, c'est une rencontre entre amis, un rendez-vous entre collègues, un événement important à souligner ou tout simplement un moment à savourer. La Ninkasi, c'est de l'espace pour les groupes qu'on peut réserver, un support technique de qualité, une ambiance feutrée et une terrasse chauffée. Un 5 à 7 à la Ninkasi, pour goûter une sélection de produits québécois. 26 bières en fût et de la nourriture en tout temps au menu. La Ninkasi, complice depuis maintenant 10 ans. 811 rue Saint-Jean, ninkasi.ca. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'informations complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Que vous réfléchissiez avec Serge Bouchard, que vous rêviez avec Amélie Nothomb, que vous enquêtiez avec Christine Brouillette ou que vous songiez à Marie Laberge, les mots de vos auteurs préférés vous portent et vous transportent. Venez les rencontrer au Salon international du Livre de Québec sous la présidence de Grégoire Delacour, du 5 au 9 avril au Centre des congrès de Québec. Et de retour, ce qu'on a entendu avant la pause, c'était White Willow, leur plus récent, Future Hopes, et assez inusité, une interprétation de Animal Magnetism de Scorpions. Je pense qu'on peut peut-être reconnaître un peu le refrain, mais c'est assez modifié. Merci. Steve Thorn, tout juste avant, Island of the Imbecile, l'île des imbéciles. Je sais pas de quelle île il parle, mais c'est soit l'Australie ou l'Angleterre, un ou l'autre. Il y avait aussi Magenta, de leur plus récent, leur nouveau We Are Legend, et c'est la pièce Legend. Et puis on avait amorcé avec Cast de leur disque Power and Outcome. On va poursuivre cette fois-ci, on va aller faire un petit tour du côté de l'Écosse avec un guitariste. On a présenté il y a peut-être un mois, le plus récent disque. Le monsieur a pour nom Ali Ferguson et là, on en arrive avec un extrait de son premier, qui est malheureusement plus disponible depuis un bout, The Windmills and the Stars. Ali Ferguson est artiste solo, mais il est aussi guitariste pour Ray Wilson, le chanteur, qui fait partie pendant un petit bout de Genesis, et puis qui a été invité aussi par RPVL sur une de leurs tunes, qui est peut-être la plus jouée, la plus populaire du côté de l'Europe, le Roses. Et c'est ça. Monsieur Ferguson joue beaucoup avec Ray Wilson, mais il trouve le temps de faire un disque de temps à autre. Et bien là, on va écouter un extrait de son premier qui s'appelle The Windmills and the Stars. Le temps de vous rappeler que vous écoutez CKRL 89.1 et c'est Terra Incognita avec Michel et Bruno jusqu'à minuit. It seems said, we'll into the summer heat. We fall into the end of days. I walk into the distant flame to lose it all. I turn around to see what's left. A fallen fortress to the west. They took it all. It's time to go. Empty space is no return. No. Outside is cold. Thank you. Hello, it's Ronnie of Holland here, and you're presently listening to Terra Incognita, the progressive reference in Quebec City. In the forest we dance and we sing, we're the creatures untamed by a king. We follow nature and nature provides, we want a deer to those homes. Came to feed, seeking knowledge to fill a need of understanding our own portrayal, the rules that govern where we set sail. By the light ahead, seeing contours and shadows instead, we forgot what we're searching for, slowly drifting to find a shore. Time. musicien qu'on aime beaucoup ici, Holland. The time is always now. Et c'était la pièce The Time They Are Taming. C'est assez similaire, mais il y a une petite variante. On avait avant aussi, ça nous vient de... Holland, en passant, ça nous vient de Norvège. On avait aussi Hit, groupe britannique, qui en est son cinquième essai, We All In This Together. Autre groupe britannique, L'Anima Departure. Alan Reid, ça aussi, c'est britannique. Honey On The Razor Edge, c'est l'ancien chanteur de Palace. Et on avait donné le coup d'envoi avec Ali Ferguson, un Écossais, de Windmill And The Stars. On va continuer encore avec la Scandinavie pour notre dernière demi-heure. On entame ça avec une nouveauté. Ça nous vient de Norvège. En fait, c'est le projet du flûtiste de White Willow, Ketil Enarsson, qui rend en quelque sorte un hommage au krautrock, une forme musicale, m'a-t-il expliqué, qu'il aime beaucoup. Et il a fondé son propre groupe, en fait, pour ce projet, où on retrouve, entre autres, Mathias Olsen, l'ancien batteur d'Angle de la Garde et batteur actuel de Necromonkey, qu'on a eu le plaisir de voir à Québec il n'y a pas si longtemps. Donc, le projet a pour titre « Weather Bergland » et le titre de l'album, c'est « Ser Koshmish Gans Progish ». On peut traduire par... quelque chose comme bien cosmique et un peu progressif. Quelque chose, ça doit s'approcher. Vous comprenez qu'on retrouve des sonorités là, un peu planantes et mélangées avec du prog. Et ça donne, moi en tout cas, un disque que j'écoute, que je dévore depuis un bout. Là, je vais répéter le nom du groupe. Weather Bergland. Bruno, je pense qu'il voudrait que je l'épelle, mais on va s'en tenir à ça pour le moment. Donc, on y va avec Weather Bergland de l'album Ser Koshmish Gans Progish. Thank you.